Quand un papa s'en va, on perd un bon copain, on navigue au jardin des douleurs et chagrins. Quand un papa s'en va, il est toujours trop tôt. Seuls resteront les mots qu'on n'a pas pu lui dire. Quand un papa s'en va, le voilà par-delà. On voudrait son sourire et ses éclats de rire. Quand un papa s'en va, on se sent soudain mal. On voudrait dès demain pour lui serrer la main. Quand un papa s'en va, nos doigts sont démêlés, on voudrait retrouver son regard étoilé. Quand un papa s'en va, on se sent mutilé de son amour aimé, amour qu'il a su nous donner. Quand un papa s'en va, le voilà par-delà. On voudrait son sourire et ses éclats de rire. Quand un papa s'en va, on se sent soudain mal. On voudrait dès demain pour lui serrer la main.